soundbeats.com. 30 minutes of late overnight, 30 minutes to alter our lives, 30 minutes to make up my mind, 30 minutes to finally decide, 30 minutes to whisper your name, 30 minutes to shoulder the blame, 30 minutes to bliss, 30 lies, 30 minutes to finally decide. Y'a rien de new, toujours le même rituel. La rue, les meufs bien jusqu'au mariage, plus celle. Toujours le même boucan. Quand ils sont à 10, tu le retrouves tout seul. Ils se pissent dessus, du monde, je suis déçu. Tu le prenais pour ton pote, mais il a voulu te marcher dessus. Toujours pas d'amitié, toujours pas de pitié. Mon cousin, il chème, la preuve qu'on grandit pas avec des produits laitiers. Nous prennent pour des cons, jettent pas leurs tentations. D'après eux, le bâtiment serait ma meilleure orientation. Qui se mettent au doigt bien profond, je pense. Nique sa mère, les avocats, je prends tout, c'est ma défense. Un monde contrôlé, voilà ce qu'ils ont fait de la planète. C'est un jeu vidéo, ces bâtards sont les manettes. Un avion de tour, tout a été organisé. Je viens planter les Illuminati avec un couteau bien aiguisé. Ils nous cachent leur jeu sans être bien déguisé, rusé. À la Wakbal, leur sec, j'en suis traumatisé. Pyramide, faire partie de leur secte, autant qu'on me liquide, réveillez-vous, ils profitent de toi, achètent des armes et fument les musulmans avec la thune de Coca-Cola, tout était calculé, j'aurais dû écouter L.I.M, meuf comme gars, L.I.M, plus possible de calculer le nombre de catins. Tu dis que t'es pas intéressé par les gars, pourquoi tu passes une heure devant ta classe le matin? Je sais que je suis mal placé pour donner des leçons, que tu me pardonnes, mais là je suis drogué par le son. Ouais, c'est vrai que depuis le début j'ai fait des progrès. Me repentir est certainement le but de mes projets. Si tu demandes si je rappe pour le pif, la réponse est oui. Laisse-les me traiter tous les noms. Le vrai c'est Missy, oui. On est blindé de crédit, mais y'a pas de communication. Crois-moi, y'a pas que le micro qui a besoin d'une isolation.